Monseigneur Gabriel, vous avez été élu en mai 2003 à la tête de l'archevêché des paroisses d'origine russe en Europe occidentale, dont le siège est à Paris. Depuis votre élection, l'archevêché s'est agrandi en nombre de paroisses. Pouvez-vous nous présenter l'archevêché, ses origines, son état actuel et votre vision de son avenir? Donc l'archevêché, c'est un exarchat du patriarcat œcuménique pour des paroisses et des monastères de la tradition russe. La tradition russe, c'est-à-dire une tradition liturgique et spirituelle. L'archevêché a été fondé, comme tout le monde sait, après la révolution russe, avec l'arrivée de métropolite Euloge à Paris. Au début de son épiscopat en Occident, Mgr Euloge a résidé à Berlin, en Allemagne. Mais si je ne me trompe pas, le 1er janvier de l'année 23, il est arrivé à Paris, ici. Alors, c'était donc une église totalement russe, fondée pour et par les réfugiés russes, ce qui était normal. Mgr Euloge a fondé des paroisses, ils ont construit des bâtiments, des églises, partout en Europe occidentale, même en Afrique, au Maroc, il y a encore une paroisse orthodoxe russe qui a été fondée par le métropolite Euloge. Il y avait des paroisses en Tchécoslovaquie, en Pologne, ce que nous avons perdu après la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr. Mais c'était donc très russe. Il y avait un événement triste, si vous voulez, un conflit entre le métropolite et le low maintenance du trône patriarcal à Moscou, métropolite Serge, et alors le résultat était que Mgr Euloge a demandé la protection canonique du patriarcat œcuménique. Cette protection existe encore aujourd'hui, et c'est pourquoi nous sommes une église de la tradition russe, mais sous la protection, la bénédiction du patriarcat œcuménique. Entre-temps, on a fondé des paroisses francophones, néerlandophones, germanophones. Dans beaucoup de paroisses russes, on célèbre en France, donc aussi en français. À ma grande surprise, j'étais très heureux quand j'étais quelquefois dans les pays scandinaves. Alors là-bas, on célèbre en norvégien, en suédois, en danois, sans oublier, bien sûr, le slavon, parce qu'il y a maintenant beaucoup de Russes ou des habitants de l'ex-Union soviétique, soit des Ukrainiens, des Biélorusses, des Russes, qui fréquentent nos églises. Mais en fait, actuellement, on peut dire que notre diocèse est vraiment intégrée dans la vie en Europe occidentale. Et c'est pourquoi on peut dire modestement, sans être orgueilleux, que notre diocèse est l'exemple d'une intégration de l'orthodoxie dans le monde occidental. Voilà, il ne faut pas oublier aussi l'importance, bien sûr, de l'Institut Saint-Serge. Et je pense qu'aussi, ce qui est très important, l'ouverture des fondateurs de Saint-Serge, de métropolite Euloge et ses successeurs pour l'Occident. Parce qu'on parle très souvent du mouvement œcuménique comme un truc entre les catholiques et les protestants, en oubliant totalement qu'une personne comme métropolite Euloge a travaillé pour l'unité des chrétiens. Et les professeurs de Saint-Serge, ils ont dialogué avec leurs frères catholiques et protestants. Et c'est pourquoi je pense que l'orthodoxie en Europe occidentale, et en particulier en France, est acceptée par nos frères chrétiens comme une grande tradition vénérable de la chrétienté. Nous ne sommes plus des étrangers ici. Notre patrie terrestre, pour nous c'est la France, soit la Belgique ou l'Allemagne. Alors, ça c'est notre situation actuelle. Et ça explique aussi, je pense, que beaucoup des paroisses ont voulu joindre notre diocèse. Jusqu'aujourd'hui, c'est un processus qui continue. Il y a combien de paroisses et de communautés au sein de l'archevêché aujourd'hui? Actuellement, nous faisons une distinction entre une paroisse et une communauté. On peut dire une communauté, c'est une paroisse en formation. Ils n'ont pas leur prêtre, mais c'est un autre prêtre qui vient y célébrer, soit une fois, deux fois par mois. Alors, si on fait le calcul des paroisses et des communautés, on arrive maintenant à environ 125 hôtels, comme moi je dis, lieux où on célèbre, soit régulièrement, soit de temps en temps. Et je dois dire, c'est une grande joie, chaque fois que je peux venir un prêtre, afin qu'il puisse célébrer dans un lieu, comme il n'y a pas longtemps, un prêtre est venu me voir en disant, vous savez, dans le village où j'habite, c'est célèbre deux fois par mois. Alors je dis, c'est formidable, c'est une communauté avec le compatron Saint-Alexis d'Ugine. Et voilà, c'est une communauté. Ils sont libres, c'est-à-dire ils n'ont pas l'obligation de payer une cotisation au diocèse. Ils ne sont pas représentés non plus pendant l'Assemblée Générale. Mais ce sont très souvent des communautés très vivantes où ceux qui viennent cherchent vraiment Dieu, vous comprenez. Moi j'ai vécu ça quand je suis devenu orthodoxe à Caen. Maintenant c'est là-bas une très grande paroisse, mais je n'oublie jamais l'enthousiasme, l'atmosphère de prière qui a régné dans cette communauté au début. J'en suis sûr encore aujourd'hui. Je ne veux pas dire qu'une paroisse est plus pauvre, spirituellement pas du tout. Mais il y avait l'élan, vous savez, que de la jeunesse en ce moment-là. Et l'enthousiasme des fidèles, ils ont découvert quelque chose, ou quelqu'un plutôt. C'est le Christ dans la communauté. L'archevêché est présent dans quel pays d'Europe occidentale aujourd'hui? Si je compte bien, 11 pays. Donc, les trois pays scandinaves, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, la France, l'Italie, l'Espagne et maintenant aussi Portugal et l'Angleterre, bien sûr. Donc, c'est encore très grande. Avec, je crois, une majorité de paroisses en France. Oui, bien sûr, bien sûr. Si je parle de la Portugal ou du Portugal, et il s'agit donc de trois paroisses. Quand je parle des pays scandinaves, au contraire, au moment que je suis devenu archevêque, il y avait deux paroisses à Copenhague, non, à Stockholm et à Oslo, donc avec le feu archimandrite Matthias et l'archimandrite Johan Johansson à Oslo. Mais dans chaque pays, ils ont eu des communautés et ces prêtres, chaque samedi, ils sont allés célébrer quelque part dans ces communautés. Entre-temps, par les ordinations et l'arrivée des prêtres, il y a maintenant une paroisse à Stavanger, il y a une paroisse à Overkalix, dans le nord de Suède, il y a maintenant une paroisse et une communauté à Danemark. Alors là-bas, ça grandit très fort. Alors justement, à la dernière assemblée générale, l'archimandrite Johan Johansson a été élu à l'épiscopat. Oui, c'est-à-dire élu, il faut être précis, il a été présenté comme candidat, parce que c'est le Saint-Synode du Patriarcat qui accepte cette candidature, et ce sont eux, les membres du Saint-Synode, qui vont donc élire canoniquement l'archimandrite à l'épiscopat. Et ça sera, si Dieu le veut, pendant la session du Saint-Synode au début de juin. Alors on va recevoir leur réponse, j'en suis presque sûr, positive, de mi-juin. Et donc nous avons l'intention, ce n'est pas encore sûr, mais je voudrais donc sacrer Père Johansson évêque autour de la fête de Saint-Alexandre Nevsky, ici à Paris. Ce qui est très important, que aussi pour les ordinations sacerdotales et diaconales, très souvent les prêtres me demandent, mais venez chez nous, vous l'avez dit, la paroisse a quand même, comment dire, c'est le lieu où la vocation a été trouvée. Je dis oui, tout c'est vrai, et certains cas pour les diacres, je l'accepte. Mais quand il s'agit de la prêtrise, je préfère que ça soit dans la cathédrale. Parce que une cathédrale, le mot cathédrale veut dire le lieu où se trouve la cathédra, donc le siège de l'évêque, et c'est la mère de chaque paroisse, et ça souligne aussi l'importance de l'unité entre le clergé, les prêtres et leur évêque. Et aussi pour les évêques auxiliaires, ça doit être la cathédrale. L'archimandrite Johan Johansen est d'origine scandinave. Pouvez-vous nous en dire quelques mots, nous le présenter? Oui, l'histoire de sa vie ressemble un peu à l'histoire de ma propre vie. Lui était luthérien, parce que c'est l'église d'État là-bas. Comme jeune homme, il a fait connaissance de l'orthodoxie. Ça, je ne sais pas exactement comment et où. Je sais que c'était à Stockholm, si je ne me trompe pas, quand il était étudiant. Et il est parti pour le monastère de Nouveau-Varaham, en Finlande, pour apprendre un peu le russe et le slavon et l'orthodoxie. Il a été reçu dans la communion de l'église par l'évêque Stéphane, notre évêque auxiliaire à Stockholm en ce temps-là. Il a été ordonné diacre à Nice par Monseigneur Roman. Et après, comme prêtre, il est rentré à Oslo. Il a pris la paroisse et je dois dire qu'il a fait un travail immense. Quand j'étais nouvellement élu archevêque, j'ai même célébré la consécration de leur nouvelle église à Oslo, Saint-Nicolas. Donc là-bas, c'est une orthodoxie, pas comme partout, mais là-bas, il y a un élan d'enthousiasme. Alors, justement, votre archevêché s'étend dans l'Europe occidentale, comme nous l'avons vu. Y a-t-il une différence entre les orthodoxes d'un pays à l'autre? Bien sûr. On va être surpris avec cette réponse, mais il y a une différence. Vous savez, excusez-moi mille fois, mais un Français, c'est le caractère du peuple, il fait ça avec beaucoup de fleurs. Vous savez, il est orthodoxe, on va le savoir, il va aux conférences, c'est un peu à la façon française, joyeuse. Voyez aussi les compositions qui ont été faites par des compositeurs russes comme Maxime Kovalevski, très fort influencé par cet esprit français, c'est joli. Mais quand on vient aux Pays-Bas, par exemple, et aussi en Suède, ce qu'on appelle les convertis, ce n'est pas ce mot, mais quand même, alors ils sont d'origine calviniste ou luthérien. Ça a imprégné leur âme, leur tradition. Par exemple, aux Pays-Bas, les ex-protestants devenus orthodoxes, ils sont très, très sensibles pour la sainteté de la Sainte Communion et leur indignité, ou notre indignité, d'y participer. Alors, une prière, je crois et je confesse, Seigneur. Et dans cette prière, on dit, vous êtes venus pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Alors, pour eux, ça correspond avec tout ce qu'ils ont appris pendant leur jeunesse. Mais très souvent, ils n'osent plus communier. Donc, pour les prêtres, la Bible doit dire, écoute, la Sainte Eucharistie n'a pas été faite pour les anges, mais pour nous. La façon de célébrer, oui, il y a une différence. Et moi, je pense que c'est une réalité. Disons la vérité. En Russie, l'orthodoxie russe en Russie et l'orthodoxie en Grèce, il y a une différence de mentalité. Alors, ça existe dans le sein de notre diocèse. Et je pense, comme j'ai dit le jour de mon sacre, quand je suis devenu évêque auxiliaire, je pense que c'est exactement le travail d'un évêque d'être un pontifex, c'est-à-dire quelqu'un qui fait des ponts et qui se sent à la maison, chez lui, dans chaque mentalité. C'est pourquoi, quand je suis à Norvège, je dis au moins une prière pendant l'office à Norvégien. Pour des langues de fond, ce n'est pas si difficile. La même chose en Suède, mais je dois dire, pour ce qui concerne notre paroisse à Danemark, j'aime beaucoup les gens, mais là, je n'ose pas. C'est une question de prononciation. Mais c'est un signe de la réalité, la diversité culturelle dans notre diocèse, et partout, ce sont des mêmes rites, je peux célébrer partout. On peut répondre en italien ou en slavon, donc il n'y a pas de problème. Monseigneur, comment voyez-vous le témoignage des orthodoxes en Europe occidentale, dans la société et dans la société d'Europe, les sociétés d'Europe occidentale? Je pense qu'en Europe occidentale, peut-être encore pire qu'en Amérique, la chrétienté est la victime de ce qu'on appelle le sécularisme. L'indifférence envers des questions spirituelles et la vie religieuse. Mais en même temps, on voit que parmi les jeunes, un grand intérêt pour la vie spirituelle, mais pas l'engagement. Donc tout le monde fait un peu sa propre foi, si vous voulez, parce que j'étais professeur de religion aux Pays-Bas, et à un certain moment, on m'a dit, mais vous savez, il n'y a plus de foi parmi les jeunes. Et j'ai dit, il faut leur donner des cours de religion, vous allez être surpris. Ils sont tous croyants, mais à leur façon. Les jeunes, ils ont créé leur propre dogmatique, si vous voulez, leur propre foi. Et ça, c'est vrai pour beaucoup de gens dans notre temps. Donc, nous vivons dans une société sécularisée, et c'est un très grand problème. Et nous, les orthodoxes, nous sommes ici, je pense, sur la volonté de Dieu pour rendre témoignage de la vérité de notre foi. Mais malheureusement, par notre façon d'agir et nos problèmes internes, c'est triste. Au lieu de s'occuper de l'essentiel et de vivre notre foi et de proclamer la joie de la résurrection, nous avons des querelles et des discussions stériles. Et je pense que de temps en temps j'ai peur pour le jugement, vous savez. Qu'est-ce qu'on va répondre après tout ce qu'on a reçu de la part de Dieu? C'est vrai pour chaque être personnel. Quand moi je regarde l'histoire de ma vie, et je dois dire, mon Dieu, je suis un enfant gâté par Dieu. Qu'est-ce que je peux répondre le dernier jour quand il va me demander les comptes de ma vie? Tu comprends que c'est... Mais pour l'Occident et pour le monde, nous avons quelque chose à apporter. Mais est-ce que nous faisons cela? Ça, c'est la grande question. Vous êtes membre de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Quels sont vos rapports avec les autres évêques? Moi, je peux vous dire, l'Assemblée des évêques orthodoxes en France, c'est un instrument voulu par Dieu, formidable, parce que c'est là qu'on parle ensemble, qu'on parle de plus en plus, on parle vraiment des vrais problèmes, vous savez. Au début des premières années, c'était plutôt faire connaissance, mais maintenant on se connaît et on commence à discuter. Par exemple, concrètement, il y a des villes en France où il y a 3 paroisses, n'importe de quel diocèse, et alors un de nos confrères a décidé d'y ouvrir une 4e paroisse. Alors maintenant, on en discute. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir dans une ville 4 paroisses et dans une autre ville, 50 km plus loin, il y a des orthodoxes, mais il n'y a rien? Alors, on discute. Pour les contacts avec les autorités civiles, c'est notre président qui nous représente tous. Alors, je pense que pour la vie quotidienne de nos diocèses, c'est un instrument formidable. Bien sûr, écoute, il y a de temps en temps des tensions, il y a des difficultés, mais on se voit chaque mois pour en discuter, pour en parler. C'est un peu triste, c'est que ça se sait, maintenant nous publions chaque fois un communiqué, mais nous parlons entre nous et tout ce que nous disons, ce n'est pas publié ni dit. Donc je peux imaginer que certains fidèles pensent que, il se voit, il boit quelque chose, ils mangent ensemble et c'est fini. Ça, on fait aussi, on mange ensemble, mais on travaille beaucoup. Vous siégez également au Conseil des Églises chrétiennes en France. Quels sont vos rapports avec les autres frères chrétiens? Ils sont excellents. C'est tout ce que je peux dire. Mais ici, je dois dire une chose très importante, et je m'adresse maintenant à tous ceux qui sont devenus orthodoxes, comme moi, venant de l'Église catholique ou de la tradition protestante. Nous n'avons pas été des païens. Nous venons d'une autre tradition chrétienne. Et chaque hérésie a sa vérité, comme saint Augustin a dit. Alors, il y a des valeurs spirituelles que j'ai apprises dans l'Église catholique. Et un protestant a des valeurs qu'il a apprises dans la communion protestante. Par exemple, parmi les protestants, en tout cas aux Pays-Bas, mais je pense en France aussi, il y a cette tradition que, avant le repas, on lit la Bible. Alors, si une famille protestante qui fait ça deviendra orthodoxe, moi je leur dis toujours d'abandonner pas cela. C'est une richesse. Et vous pouvez suivre le calendrier liturgique et lire l'apôtre et l'évangile du jour. Parce que nous, les orthodoxes, en vérité, nous vénérons l'Évangile, mais nous ne lisons pas très souvent l'Évangile. C'est vrai pour la Bible complète. Alors, il y a donc des éléments de ma foi que j'ai appris dans l'Église catholique. Et quand je suis orthodoxe maintenant, et quand je parle avec mes frères catholiques protestants, c'est dans cet esprit de gratitude. Vous comprenez que pour moi, être orthodoxe, ça ne veut pas dire, bien sûr, je confesse, nous avons vu la vraie lumière, c'est la vraie foi, oui, mais ce n'est que Dieu qui connaît notre foi. Parce que l'Église ne peut jamais juger la foi de quelqu'un. Elle peut juger sa confession de cette foi, mais pas la foi, parce que ça, c'est le mystère intime du cœur d'un être humain avec le Seigneur lui-même. C'est pourquoi nous ne pouvons jamais dire, voilà, les frontières de l'Église, c'est ici ou c'est là. C'est Dieu qui le sait. Et nous devons être conscients de cela, parce que ça va nous aider de vivre et même de prier de temps en temps avec nos frères orthodoxes. Non orthodoxes, donc catholiques ou protestants. Chaque fois que j'entends des critiques venant des fidèles contre l'œcuménisme, comme on dit, « Oh, ça c'est comme une hérésie », alors j'en souffre. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est un mouvement et pas un but en soi pour chercher l'unité en Christ. Et dans ce sens, il faut se réjouir quand on voit chez nos frères non orthodoxes certains éléments dans leur foi, qu'on dit « Mais ça c'est orthodoxe ». Hein? Bien sûr, il y a des problèmes. Voyons la situation, par exemple, à propos des icônes. Moi, je ne regrette pas du tout que beaucoup de catholiques font des icônes. Pas du tout. Ce que je regrette beaucoup, que très souvent, ils n'ont pas la discipline ecclésiastique d'accepter la doctrine des icônes. Et on voit qu'après, ils font des icônes de la Sainte Famille, et ça me fait malheureux, je dois dire la vérité. Mais quand même, ils ont des icônes, et maintenant, ça doit être purifié par nos prières, peut-être, par notre amour, parce que leur faire des remarques, mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Ça ne sert à rien. Il faut être avec eux et corriger. Monseigneur, en quoi consiste le ministère épiscopal et qu'est-ce qui est le plus difficile dans cet exercice? Comme selon la théologie classique, il doit enseigner, il doit défendre la vérité de l'Église. Ça, j'essaie de faire en bonne collaboration avec les prêtres. Vous savez, je suis aussi un enfant de mon éducation. J'ai maintenant 61 ans et je dis de temps en temps, n'oubliez pas, j'avais 18 ans en 68. Donc, et avec tout cela veut dire, je ne peux pas oublier cela. Moi, je pense que pour nous, surtout pour nous en Europe occidentale, dans notre diocèse, l'évêque doit être le frère aîné, un ami du clergé. Et j'ai une modeste expérience après 4 ans qu'une telle attitude ne détruit pas du tout l'autorité. Parce que de temps en temps, il faut être sévère et dire, écoute, ça c'est impossible. Mais s'il y a une bonne entente et l'amitié et la fraternité entre l'évêque et son clergé, ça ne pose pas de problème. Moi, j'ai eu le bonheur toute ma vie comme orthodoxe que mes archevêques m'ont toujours soutenu. Dès les débuts, Vladimir Georg Tarasov, qui m'a ordonné, Vladimir Georg Wagner et Vladimir Serge. Et j'ai toujours pensé, écoute, si un jour, toi, tu dois prendre une responsabilité, soit comme doyen, plus loin ce n'est pas pensé, n'oubliez pas cela. Et maintenant, comme évêque, vous savez, ma grande joie, hein, quand je rends visite à une paroisse, hein, et le prêtre téléphone 3 fois avant que j'arrive. Oh oui, Vladika, la chorale s'énerve. Les femmes, ils ont nettoyé l'église. Mais vous savez, on ne sait pas très bien comment chanter le Trisvatoi à la façon pontificale. C'est dit, laisse-la. Ne commencez pas à apprendre des mélodies difficiles parce que l'archevêque vient. Que ça soit une fête pour tout le monde. Et ça, c'est la plus grande joie pour moi d'être évêque. rendre visite aux paroisses, c'est être accueilli et célébré et voir que tout le monde est heureux à cause de ma visite. Et dans ce moment-là, ce n'est pas de difficulté avec la langue, je peux faire un sermon. Hier, j'étais par exemple à Colmeilles avec Père Eugène, dans la maison de repos, et c'était une liturgie splendide, il y avait quelques jeunes de la cathédrale qui sont venus pour chanter, et c'était formidable, parce que dès le début de la bénédiction initiale jusqu'au moment que je suis parti, j'ai senti tout le monde est heureux, tout le monde est content, donc moi aussi, c'était une grande joie. Et quand il y a des difficultés, oui, des difficultés, vous savez, ils sont partout. Je souffre personnellement beaucoup du manque d'unité entre nous, les orthodoxes. Mais j'ai compris que l'Église, ce n'est pas le ciel, c'est la porte du ciel. On a déjà l'odeur des anges et la bonne odeur du Christ, symbolisée par l'encensoir. Mais il y a encore l'odeur de ce monde. Et ça fait souffrir. Mais en général, après 4 ans, je peux dire, excellent de votre job, to be a bishop. Je suis heureux et je pense que je dois continuer. Aussi, les gens disent, faites attention pour votre santé, Vladika. Mais je le sais. Donc, j'essaie d'être sage et de me soigner comme il faut. Merci, Monseigneur.